fil du temps, tu viens de découvrir qu'on peut aimer vraiment et puis souffrir. Dans ton regard, j'ai trop de choses à lire. Il neige du brouillard sur ton des ailes à ton chagrin. Un autre amour, doux comme un nid d'oiseau, va te remettre un jour